2. Premier contact avec les autochtones. Jeudi 11 juin 1534. Le lendemain, nous dépassâmes ces îles et trouvâmes au bout un bon port que nous appelâmes Saint-Antoine. Une ou deux lieues plus loin, nous découvrîmes un petit fleuve fort profond vers le sud-ouest, lequel est entre deux autres terres. Il y a là un bon port. Nous y plantâmes une croix et nous appelâmes le port Saint-Servan. Du côté du sud-ouest de ce port se trouve à environ une lieue, une petite île, ronde comme un fourneau, environnée de beaucoup d'autres petites îles. Plus loin, à deux lieues, il y a un autre fleuve plus grand où nous pêchâmes beaucoup de saumons. Nous l'appelâmes le fleuve Saint-Jacques. Tandis que nous étions dans les eaux de ce fleuve, nous aperçûmes un grand navire qui venait de La Rochelle. La nuit précédente, son équipage avait doublé le port de Brest. C'était là qu'il pensait aller pour pêcher. Mais il ne savait pas exactement où était le lieu. Nous nous accostâmes d'eux et nous allâmes ensemble jusqu'à un autre port qui est plus vers l'ouest, une lieue environ plus loin que le fleuve Saint-Jacques. À ce port, que j'estimais être le meilleur du monde, je donnai le nom de Jacques Cartier. Si la terre était aussi bonne que le sont les ports, ce serait un grand bien. Mais en fait de terre, on ne trouve que des cailloux, des rochers sauvages et des lieux propres aux bêtes farouches. D'ailleurs, sur toute la côte vers le nord, je ne vis pas assez de bonne terre pour remplir ne serait-ce qu'un benneau. Je descendis pourtant en plusieurs lieux. En l'île de Blanc-Sablon, il ne pousse rien que de la mousse, de petites épines et des buissons épars, séchés et demi-morts. Et en somme, je pense que cette terre est celle que Dieu donna à Caïn. On y voit des hommes de belle taille, mais indomptés et sauvages. Ils portent les cheveux liés au sommet de la tête et serrés comme une poignée de foin. Ils y mettent au travers un petit bois ou autre chose en guise de clou, et ils y font tenir ensemble quelques plumes d'oiseaux. Ils sont vêtus de peaux d'animaux, les hommes aussi bien que les femmes. Celles-ci sont toutefois plus couvertes que les hommes, dans des tuniques plus fermées et serrées à la taille par une ceinture. Les hommes se peignent avec une certaine couleur rouge. Leurs barques sont faites d'écorce d'arbres de boule, qui est un arbre semblable à nos chênes. Ils montent dans ces barques pour pêcher des loups marins, dont ils prennent de grandes quantités. Depuis mon retour, j'ai compris qu'ils ne faisaient pas leur demeure dans l'île, mais qu'ils viennent depuis des pays plus chauds pour prendre de ces loups et autres vivres. Samedi 13 juin 1534. Le 13e jour du mois de juin, nous retournâmes à nos navires pour faire voile, parce que le temps était beau, et le dimanche, nous fîmes dire la messe. Lundi 15 juin 1534. Le lundi suivant, qui était le 15e, nous prîmes notre chemin vers le sud pour explorer les terres que nous avions aperçues et qui semblaient faire deux îles. Mais quand nous fûmes au milieu du golfe, nous comprîmes que c'étaient deux caps appartenant à la terre ferme et nous les appelâmes Cap Double. Au commencement du golfe, nous sondâmes le fond et nous trouvâmes de 100 brasses de tous côtés. De Brest au Cap Double, il y a une distance d'environ 20 lieues. À 5 ou 6 lieues de là, nous sondâmes aussi le fond et nous le mesurâmes à 40 brasses. Cette terre regarde le nord-est, sud-ouest. Mardi 16 juin 1534. Le jour suivant, qui était le 16e de ce mois, nous naviguâmes le long de la côte par sud-ouest et quart de sud, et nous trouvâmes des montagnes très hautes et sauvages, entre lesquelles on voyait je ne sais quelle petite cabane. Pour cette raison, nous les appelâmes les montagnes des cabanes. Alentour, les reliefs sont escarpés, entaillés de failles et de falaises, et s'abaissent progressivement vers la mer en collines étagées. La veille, à cause d'un brouillard si épais qu'il obscurcissait tout, nous ne pûmes explorer aucune terre. Mais vers le soir, nous découvrîmes tout de même une ouverture dans les terres, semblable à une embouchure de rivière qui coulait entre les monts des cabanes. Nous vîmes un cap vers le sud-ouest, éloigné de nous d'environ 3 lieues, et qui finissait en pointe vers la mer. Pour cette raison, il fut appelé le Cap Pointu. Comme nous désirions explorer cette embouchure pour voir s'il y avait quelque bon port, nous mîmes la voile basse pour y passer la nuit. Mercredi 17 juin 1534. Le jour suivant, nous courûmes fortune à cause du vent de nord-est. Nous fûmes contraints de mettre le coq-souris à la cape et nous cheminâmes vers le sud-ouest jusqu'au jeudi matin. Nous nous trouvâmes alors au travers d'un golfe plein d'îles rondes comme des colombiers, auxquels nous donnâmes donc le nom de Colombert. À 2 lieues du Cap Royal, qui se trouve près de ce golfe, l'on mesure le fond à 20 brasses, il y a là la plus grande pêcherie de morues qu'il est possible de voir. Nous prîmes plus de 100 morues en moins d'une heure, en attendant la compagnie. Jeudi 18 juin 1534. Le lendemain, qui était le 18e du mois, le vent devint contraire et fort impétueux. Il nous fallut retourner vers le Cap Royal, où nous pensions trouver bon port. Avec nos barques, nous allâmes découvrir ce qu'il y avait entre le Cap Royal et le Cap de Lait, et nous constatâmes que les terres basses s'ouvrent sur un grand golfe très profond dans lequel il y a des îles. Ce golfe est clos et fermé du côté du sud. Les terres basses forment un des côtés de l'entrée, le Cap Royal est de l'autre côté, et elles s'avancent de plus d'une demi-lieue dans la mer. Le pays est plat et la terre y est mauvaise. Une île garde le milieu de l'entrée du golfe. Depuis ce jour jusqu'au 24e du mois, qui était la fête de Saint-Jean, nous fûmes battus par la tempête et le vent contraire. Le ciel devint si sombre que nous ne pûmes explorer aucune terre jusqu'au jour de Saint-Jean, où nous découvrîmes un cap situé vers le sud-ouest et distant du Cap Royal d'environ 35 lieues. Mais le brouillard était si épais et le temps si mauvais que nous ne pûmes approcher de la terre. Et comme on célébrait la fête de Saint-Jean-Baptiste, nous nommâmes ce cap Cap de Saint-Jean.